Ce lieu mérite-t-il le nom d'habitation, de foyer, de demeure, d'appart ou de maison? De la langue française, aucun synonyme ne pourrait qualifier cet endroit aux abîmes. Seule une ampoule nue jette une lueur pâle sur les murs décrépits, fraîchis et humides. Des gouttelettes suintent en grosses flaques sales dans lequel macèrent des poussières sordides. Je déteste ces hommes, ces marchands de sommeil qui s'engraissent sur les peaux, ne pensant qu'à l'oseille. Les conduits électriques se croisent en entrelacs. Quelle araignée tissa cette toile grotesque? Des fils déguenillés laissent entrevoir l'éclat des cuivres se tordant en dangereuses fresques. Ce taudis minuscule ne saurait accueillir le moindre être vivant, humain ou animal. Et pourtant un marchand s'empresse de cueillir la misère des hommes pour un gain maximal. Je déteste ces hommes, ces marchands de sommeil qui s'engraissent sur les pauvres ne pensant qu'à l'oseille. La toile d'araignée sous une lune ronde enflamme violemment cet immondissime monde. Six corps carbonisés sont sortis des décombres, dont ceux de quatre enfants qui n'étaient que des ombres. Je déteste ces hommes, ces marchands de sommeil qui s'engraissent sur les pauvres, le pensant qu'à l'oseille. Je déteste ces hommes, ces marchands de sommeil qui s'engraissent sur les pauvres, le pensant qu'à l'oseille.